Ça, on vous le donne comme on l'a reçu. Il paraît que c'est une bande qui date d'un an à peu près. Un groupe qu'on connaissait pas du tout, ça s'appelle Vie Privée et on a vraiment aimé. Certainement une glace entière.